Donner des informations simples sur la localisation. Elle est au premier étage. C'est au premier étage. La réception est au premier étage. Les toilettes sont à droite des ascenseurs. Je demeure à Masson. Je regrette, je ne sais pas où c'est.